C'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Je remonte sur le ring, je suis Kerry Balboa. Non, je suis Mohamed Anix, comme dit Sofiane du 9-3. Pas besoin de pousser pour peser. Le calibre peut tousser quand il fait froid. La rue me murmure, Kerry, tu les reprends ta ceinture, fais les capitules. Et ce sont des impostures, de toute façon, tu les connais. Ils sont bons qu'à simuler. Compte sur moi, compte sur le boss. Mais fais pas les nouveaux si tu comptes sur le proc. Je viens de la rue, je n'ai rien à prouver. Depuis plus de 20 ans, je suis fidèle au bloc. Pas une ride, je suis au niveau, on me valide. Même mes rivaux, mes ennemis finiront au lido. C'est pas aujourd'hui que je tire le rideau. Ah, j'ai la voix du Renoir, car le mort, on dirait que je rappe un canon sur la tempe. Je sais tout faire du conscient du hardcore. Tu ne trouveras jamais un MC de ma trompe. J'ai touché une prod de fini, fini. Prod de fini. J'ai touché une prod de fini, fini. Prod de fini. J'ai touché une prod de fini, fini. Prod de fini. Allô, allô. C'est qui? Fais pas semblant de pas savoir qui c'est. Sur un coup de fil, demande à Capitole si ce n'est pas la rue qui décide. Demande à Def Jam à quel point je peux être hostile. Demande à Skyrock si Kerry est un rappeur docile. Jab du gauche, crochet du droit, esquive rotative et percute dans le foie. Vous vouliez le trône, je me l'octroie. Vous vouliez ma zone, vous aurez le pôle emploi. Tout ce qu'ils font, je sais le faire. Où ils vont, j'y étais hier. Je peux tuer le match sur un corner. Je peux tuer le game sur un coup de nerf. N'importe quoi ce qui me passe par la tête. Je viens du 9-4, je suis pas de la jet set. Je marche droit, je ne fais pas de courbette. Je fais la bise à des mecs qui finissent aux assiettes. Ah, j'ai la voix du Renoir qu'à la rage. On dirait que je rappe un couteau sous la glotte. 20 ans après, je suis toujours aussi frais comme la mafia qu'un free, j'aurai toujours la cote. J'ai touché une prod de fini, fini. Prod de fini. J'ai touché une prod de fini, fini. Prod de fini. J'ai touché une prod de fini, fini. Prod de fini. Allô, allô. C'est qui? Fais pas semblant de pas savoir qui c'est.